Oh là, je suis vraiment content. Scale, des FBI, est là pour nous. Il n'a pas parlé pendant 30 ans, a vécu sa vie, pleine de rebondissements. Il va nous raconter tout ça. Il a vraiment des trucs excellents. Il est vraiment l'exemple incarné de cette culture qui peut transformer les talents en super producteurs, réalisateurs. Je vous laisse découvrir tout ça. On va revenir sur les trucs un peu basiques. Qui es-tu et ta rencontre du coup avec les FBI pour commencer? Ouf, c'est vaste. Qui je suis, c'est quand même c'est une question très large. Ouais, alors on va réduire un peu parce que qui es-tu devenu surtout, et là ça va devenir large puisque j'ai l'impression que c'est passé des trucs absolument cool pour toi en tout cas avec ton talent. Alors c'était qui tu étais à la base quand tu étais donc ado à l'époque où la rencontre s'est faite avec les FBI un petit peu dans notre région du 78. Ok. Toi, où habitais-tu du coup? Écoute, moi j'habitais à Vaucresson dans le 92. C'est un peu un hasard que je me retrouve là. En fait, Vaucresson, c'est un peu une banlieue bourgeoise comme Garches, c'est ça, c'est Saint-Cloud. Ouais. Des banlieues bourgeoises. Et je me suis retrouvé à habiter là, dans les seuls HLM qui existaient dans la ville. Un peu parce qu'au départ, ma mère faisait des ménages, donc elle était amenée à habiter là où les gens qui avaient de l'argent avaient besoin de ménages et des gens pour garder leurs enfants. Donc, du coup, ça nous a amené dans cette région bourgeoise, qui est un gros coup de chance pour moi. Et du coup, j'ai grandi dans le 92. Et comme je me suis mis à pratiquer le karaté à l'âge de 11 ans, 10-11 ans, à Garches. Garches, c'est la ville où habitait Darko. Et Darko faisait du karaté aussi depuis l'âge de 6 ans. Et on s'est rencontrés dans ce club de karaté à Garches. Donc, on a d'abord pratiqué le karaté ensemble. Et puis, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait la même passion pour le mouvement qui s'appelait pas hip-hop à l'époque. Ouais. On Mais est en quelle voilà. année là? Tu peux chiffrer à peu près? Écoute, ouais, moi, j'ai commencé à faire du karaté en 72, j'imagine, un truc comme 71. Puisque, non, Non, 80, 81, 81. sinon tu avais 1 an, tu aurais commencé très tôt. Ouais, j'étais assez près quand j'étais hyper, hyper vif. Non, j'ai commencé du coup le karaté en 81 et moi je rencontre le hip-hop en 83. Et en fait, en 83, je vais voir Flashdance et je vois une séquence dans le film où il y a des mecs qui dansent dans la rue à New York et il y a un mec qui fait un moonwalk. Et moi à l'époque, je comprends pas ce que c'est. Je me dis, c'est quoi? C'est une danse du futur. Je crois que c'est des effets spéciaux. Et le lendemain, à l'école, au collège, je demande à un pote, j'en parle à un pote qui, lui, allait régulièrement à New York, et il me dit, mais non, non, c'est pas des effets spéciaux. À New York, il y a des mecs dans la rue qui font ça, qui dansent comme ça, et c'est pas truqué du tout. Et du coup, pour moi, c'est la révélation, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette danse dans la rue, qui a l'air d'une danse du futur? Donc, j'ai voulu tout savoir là-dessus. J'ai essayé de refaire le pas, mais très difficile de voir quelque chose à l'époque, puisque Oui, de le vous n'avez revoir. pas le câble, tu voyais rien. On n'avait pas encore, on pouvait pas avoir MTV. Donc, tu essayais de choper des bouts de trucs. Je me souviens que c'était dans Les Enfants du Rock, il y avait une petite émission sur le hip-hop un moment. On voyait des mecs danser. Chaque fois, il y avait des petits trucs qui passaient à la télé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à choper des pas. Et puis, je m'en suis entraîné tous les jours. En fait, j'étais surtout un danseur à l'époque. D'accord. Non, ça c'est important justement de cadrer, puisque dans le livre, j'essaie de voir les parcours qui amènent tous, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais chacun prend un chemin parfois différent. Ce que je note avec d'autres gars du 78, c'est que par exemple, toi, c'est pas chipé à choper qui t'a mis sur le truc. Tu captes Non. quelque chose avant par tes propres moyens, d'ailleurs visuels à Ouais. travers un film. Est-ce que à ce moment-là, du coup, c'est vraiment la danse qui a l'air de t'accrocher? Est-ce qu'il y a le son qui va avec? Est-ce que le son, à cette époque-là, tu es un peu du Skolidi, parce que c'est un peu Oui. l'hypnotisme un petit peu. Ah oui. Est-ce que c'est un peu en Oui. même temps ou ça arrive quand même après la danse? Comment c'est par C'est rapport en à ça? même temps. C'est en En même même temps, temps. voilà. D'accord, Et en ok. même temps, les Skoolidy, pas même avant, Skoolidy, c'est presque ancien. Il y avait, comment il s'appelait, j'ai oublié les noms, ça fait tellement longtemps. Juste Skoolidy, avant ça ça, on arrive. est plutôt dans le disco rap, tu sais, le rap disco, donc tous les classiques. Mais après Sugar Hill Gang, il y a eu, comment s'appelait ce mec? Je ne sais plus du nom de ce Oui. rappeur, chantant les vinyles. En fait, j'allais à la Fnac Ouais. très régulièrement voler des 33 tours, D'accord. pour tout Ouais. dire. C'était La culture, elle vient pas à moi, je vais la chercher. Ouais. T'inquiète, c'est assez. J'allais à la Fnac des Halles avec un sac Fnac et vide et j'allais au rayon hip-hop de l'époque, il y en avait un déjà, et Oui. je prenais des disques sans savoir ce que c'était. Oui, bah oui, je comprends parce qu'on n'avait pas, Entre les imports sur lesquels tu n'avais pas de couverture, donc tu ne savais pas ce que c'était, et puis les albums, tu regardais la couve, puis tu n'avais jamais entendu, donc tu mettais dans ton bien sûr, sac. Et puis t'allais au rayon bande dessinée où tout le monde était assis, et puis tu rentrais dans ton petit sac snack, et puis tu partais. Comme tu avais un sac snack, personne ne te demandait rien en sortant. ouais, je vois. Et c'est J'ai comme fait ça que avec la galerie Lafayette pour prendre mes schtroumpfs à Noël. Je partais avec le sac de schtroumpfs finalement que je payais pas. J'avais rempli les trucs parce que j'avais des sacs galerie Lafayette du Noël d'avant. Énorme. On se démerdait Mais comme on peut. c'est la même technique, c'est la même technique. Ouais. Et ben, Donc oui, là, ce qui est important, c'est que là, du coup, ce que je comprends, c'est bien le visuel à travers la danse, à travers un film, le son qu'il y a en même temps, c'est normal, c'est assez lié. Est-ce que pour la partie graffiti, ça vient aussi en même temps ou c'est un peu décalé? Non, non, c'est venu après parce que j'avais pas vu grand-chose à l'époque. La danse m'avait vraiment. Je dessinais pas du tout, du tout. Donc c'est vraiment la danse et la musique qui m'a attrapé. Et en fait, le graffiti, c'est arrivé en rencontrant Darko. C'est-à-dire que Darko dansait aussi Oui. avec Achim, il faisait du break. Et moi, je faisais ce qu'on appelait du smurf à l'époque, je dansais debout. Du popping, tout ça. Et eux faisaient la coupole. Et on faisait ça, du coup, dans le hall du karaté, là, à l'entrée, on faisait des coupoles, tout ça, c'était assez, assez drôle. Et en fait, c'est Darko qui m'a montré des choses. Qui m'a dit D'accord. à un moment, c'est Darko qui m'a dit à un moment, voilà, nous, on a un groupe avec Arim. Arim, c'est Goki, qui habitait juste en face du club de karaté. Mais vraiment juste en face, une grande maison. Et en fait, il venait nous voir souvent après le karaté. Donc, c'était un peu ce truc de karaté, ça paraît un peu stupide, mais c'était un peu Votre lien. notre point de rendez-vous. Et du coup, Darko m'a dit, écoute, voilà, on a compris qu'on était dans le même mouvement. On faisait du karaté ensemble depuis déjà 2-3 ans. Et il m'a dit, voilà, moi, j'ai un groupe FBI avec Arim et j'aurais bien aimé que voilà, je te propose de faire partie de ce groupe si ça t'intéresse. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe, donc en 83, je crois, un truc comme ça. D'accord, bah 83, c'est très bien. 84, je sais pas. Ouais. Peut-être 84, il faudrait demander à Darko qui est peut-être plus pointu là-dessus. Parce qu'il avait fait une carte à l'époque, on avait trafiqué une carte orange et que c'était la carte d'FBI, c'était comme une carte orange avec la carte de membre. Donc il m'avait remis cette carte qui était une espèce d'honneur à l'époque. C'était. Ouais, Et c'est lui, festif. il faisait déjà du graff. Il avait même déjà graffé un peu, mais très peu, à Saint-Cloud, je crois. Ça, il nous Et explique surtout dans beaucoup. l'autre interview un petit peu tout ça, il nous Ok. raconte un peu ça. Du coup, on voit que sur le dessin, il est déjà vachement, il est déjà là tout de suite, tu vois. Ouais, moi je dessinais pas, donc je me suis mis à dessiner quand je suis rentré dans le groupe, parce que quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je me suis dit, moi j'ai envie de faire ça. Donc après, c'est eux qui m'ont emmené à Stalingrad, D'accord. mais assez tôt quand même, hein, assez tôt. Et du coup, à Stalingrad, enfin, la vraie difficulté, c'était que tu pouvais pas peindre en fait, tu n'avais pas de mur, et tu pouvais pas progresser. Donc. Et si t'as un terrain vague en bas de chez toi, tu peux progresser. Si t'habites Paris et t'es dans les mouvements, tu vois Bandeau, tu sais, ils connaissaient tous les terrains vagues, ils allaient peindre, ils pratiquaient beaucoup. Et nous, on pratiquait assez peu. On dessinait beaucoup, mais on pratiquait assez peu parce qu'on n'avait pas d'endroit. Tu vois, Vaucresson, Garches, c'est pas comme si t'étais dans une banlieue où il y a des friches industrielles. En fait, il y a Ouais, que des. c'est vrai que ça débordait pas trop la marée. Et plus sur des baraques un peu bourgeoises. Sur lesquels tu ne vas pas aller graffer, tu vois. Exactement. Et sinon, du coup, on pouvait progresser qu'en peignant de nuit sur la voie. Donc, tu progresses en faisant des graves de nuit où tu vois rien et tu découvres ce que tu as fait le lendemain matin. Ça. Donc, c'est pas le meilleur moyen de progresser, mais c'était génial. C'était Et puis génial. il y avait l'action et que c'était quand même assez, même sans être à New York, il y avait quand même cette action de transgression et d'y aller la nuit avec l'adrénaline que ça procure, même si à l'époque, des fois, ça craignait pas grand-chose. Ouais, quand même, quand même, quand Mais même. Moi, fallait. en fait, le premier graphe que j'ai fait de nuit, on était sur les berges de la Seine. D'accord, Donc, ok. on est parti, j'ai dit à ma mère que j'allais une soirée, elle croyait que j'allais faire une fête à côté. Et en fait, on est parti avec Darko, je crois qu'il y avait Gorky. Oui, il y avait Gorky, bien sûr. Et on est parti et sur les berges de la Seine, parce que Bando avait déjà peint toute la. Il avait déjà peint des mètres et des mètres. Avec Et on Chou et connaissait. Mode. Voilà. Et on connaissait bien ces graphes-là qui étaient déjà iconiques, tu vois. Et on y a été un peu. C'était un peu nos premiers graphes. Darko, on en avait fait un peu, mais pas tellement. Moi, j'en ai pas fait du tout. Donc, on est arrivé avec nos lampes torches, nos bombes. Et on s'est mis à peindre de nuit, en éclairant ce qu'on était en train de faire, comme si c'était autorisé, puisqu'on s'est dit, il y a tellement de graphes, ça doit être autorisé. Sauf qu'avec tes lampes torches et tout, on nous voit à des kilomètres. Ouais, quand Et même. que du coup, les passants s'arrêtaient, les touristes, alors on leur expliquait ce qu'on faisait. On était un peu Énorme. dans le métro, on taguait tout le métro. Et puis les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y avait pas encore beaucoup de tags. Alors on leur disait, ben, on marque notre nom, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Ah bon? Tout le monde était très, très. Il y avait un truc un peu bon enfant, mais ça n'avait pas encore recouvert les murs. Tu vois. Et en fait, quand on a graffé ce square-là sur les berges, et bah, très rapidement, on a commencé à voir un gyrophare de l'autre côté des berges. On s'est dit, oh, c'est pas pour nous. Et puis, 10 minutes après, les mecs ont débarqué. Le mec avait la main sur son flingue, il arrive en courant. Ils sont arrivés, ils nous ont dit, bougez pas, touchez à rien. On panique, tu vois. On s'est retrouvés comme des malfrats, alors qu'on pensait faire un truc vachement sympa. Et on s'est fait coffrer le soir même, coffrer, passer devant le juge le soir même, menotté. On a fini en taux, on a passé la nuit en prison. Hein. Ah Premier ouais, graphe. alors ça Gokim m'en a jamais parlé ni Darko. C'est marrant, ils ont dû Ah bah vous putain, mettre bon, pour pour la première. J'ai jamais vu les photos non plus. Je savais pas que vous aviez peint là-bas parce le que j'ai récupéré beaucoup de photos des quais, mais je vois pas. Et Ben, je crois qu'on avait à sacrée peine quand on. aventure. Ben, on n'avait pas fait grand-chose hein, quand on s'est fait attraper. Et du coup, quand on était dans le camion de police, là, dans la petite camionnette de l'époque, les mecs nous disent, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, tout, vos parents sont au courant. Alors, on dit, non, non, non. Et ben, là, qu'est-ce qu'ils font, vos parents? C'est quoi leur boulot? Alors, je dis, ben, ouais, ma mère, elle est soignante. Darko dit que sa mère, elle était serveuse à l'époque. Bon, qui, je sais plus ce qu'elle a dit. Et il nous dit, ben, c'est fini pour eux. Hein, ils vont payer toute leur vie. Parce que là, vous avez peint sur des murs d'époque. Et vous paierez toute votre vie. Premier grade. Ah ouais, je comprends. Complètement déprimé. On a fini, je te dis. En plus, on a dormi en cellule sur un banc à côté de. On a vu des prostituées passer. Enfin, la pire nuit de notre vie. Et puis, le lendemain, ils nous ont donné une petite cellule et nos parents devaient venir nous chercher. Et on était à trois dans une cellule qui devait faire, je sais pas, 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés. Donc, nos parents nous ont mis là-dessus, là-dedans, ils ont eu un peu pitié, heureusement. Moi, ma mère, elle a dit, gardez-le, gardez-le. Il se croit à New York, c'est n'importe quoi, gardez-le, j'en veux plus. Et du coup, moi, j'ai arrêté de graffer pendant des mois. D'accord. J'ai fait des graffes sur mon petit carnet et puis je les faisais pas en vrai, quoi, on les faisait plus. On faisait que dessiner. Donc, on a eu beaucoup de temps avant de s'y remettre. Voilà, notre Ah ouais, quand même. première Ouais. grosse sortie graphe à Paris. Wow. Catastrophe terrible. Là, on est Voilà. quoi? On est en 84, tu penses? L'acte Je référence. pense que ça doit être par là. Ça doit être par là, ouais. Ouais. 84, 85, maxi. D'accord, ok. 85, peut-être. Ouais. C'est J'ai marrant que tu beaucoup n'en aies pas creusé. parlé, Darko, parce que Ouais, c'est vraiment. vraiment, on a tellement creusé des trucs avec certains. Alors, Gouki, on parle parfois souvent d'autres choses. Il a quand Ouais. même pas mal de souvenirs quand il allait chez Bando, des trucs dans l'hôtel particulier avec Cole. Donc, il y a tout un truc Ouais, que ouais. même à l'époque, on m'avait pas compté, mais on était moins dans la nostalgie, dans l'historique à l'époque. Tu vois, on peignait entre Ouais, nous, c'était notre pote, on jouait vachement aux jeux vidéo. T'as connu Bando ou pas, machin, on s'en foutait un peu, à vrai dire. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné d'ailleurs ces fameux négatifs que j'ai pu garder et que d'accord. j'ai vu les pièces qu'il a fait qui corroboraient ce que tu m'as dit hier, c'est-à-dire à Stalingrad finalement, il avait peint à d'autres endroits, un petit peu dans d'autres terrains. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je reconnais des endroits similaires avec les BBC. Et donc on voit qu'il avait quand même fait son petit truc, mais on est sur 85. Hein. Oh, c'est On est ça, c'est sur ça. 85, donc il y a tout ce Ouais. truc. Les Darko là-dessus, ouais, c'est un peu moins précis, on va dire, que Ben, alors, moi, j'ai peut-être. l'impression que Arim avait. Alors, peut-être que je me trompe. Hein, il y a toujours ce truc entre Darko et Arim. Je ne sais pas qui était le premier, qui était le deuxième. J'ai l'impression qu'Arim était un peu plus introduit. Parce que pour moi, c'est lui qui a fait le premier graphe à Stalingrad. Il avait fait un Zax. Je me souviens que je crois que c'était une fourmi qui était à côté. Je sais pas quoi. Un Ouais, personnage. ça, je sais pas, je te montrerai ce que j'ai tout à l'heure. Il y a des trucs vraiment old school et j'ai vraiment, je reconnais le tag FBI et Gokey un peu, déjà très stylisé et le graphe, j'ai du mal à capter et j'ai l'impression que c'est Paris. Donc j'ai Ouais. l'impression que c'est lui qui va en premier, je ne sais pas pourquoi, ça il a pas su me dire, et que Darko, lui, il commence à y aller, enfin il y va, en tout cas quand il y va, il est vraiment avec les mecs du terrain, tu sais, les gores qu'on voit le premier, d'ailleurs je crois que tu peindras aussi là où il avait fait le marabout, tout ça, tu sais, en hauteur, qui était quand même une place incroyable, il y a une photo qui existe où tu as fait un Ça, truc. je l'ai, ouais, je l'ai Ouais, cette tu photo. l'as. Moi, je l'ai pas retrouvé dans ma collecte. Et puis, avec le marabout non plus, je l'ai pas retrouvé. J'ai que le premier qui l'a fait. Et je crois que vous en avez fait trois, à ma connaissance. Mais là, du coup, Gokhi, pour moi, il vient plus. Tu vois, en tout cas, je le vois plus. Comme si déjà, lui, tu vois, et c'est vous, là, clairement, les FBI. C'est pour ça que chaque fois que je parle des FBI, à part pour les ultra connaisseurs qui connaissent Gokhi, c'est tout de suite Darko ou toi. Parce qu'il y a une espèce de truc qui vous venait un petit peu, même c'est pas monstrueux. Et Gokhi, il a fait ses trucs. Et je sais pas où il est à ce moment-là, mais il est plus là. Ben, en fait, Gorky, il était très présent au début, parce que enfin, c'est lui qui avait, enfin, il avait des vidéos, je crois qu'il avait Pitt Street, il avait White Style en Il avait vidéo, Wall Style, pas des trucs introuvables quoi, tu vois White Style, c'est le truc tu pouvais ouais. trouver Ouais, chez même, Style il l'a World, eu, tout ça, des trucs, il avait ouais. tout, donc on Ouais. allait chez lui voir ces trucs qu'on pouvait voir nulle part ailleurs, et du coup c'était un peu la caverne d'Ali Baba, il était tout en haut là dans son, Ouais, à je me côté des souviens. plans là. C'est la même Tu maison, ouais. connais, voilà. Et Darko, ça a toujours été le mec qui était connecté à tout le monde quand même en Europe. Donc Ouais, c'est ce souvent, que tu... moi j'allais chez lui tout le temps et en fait, il était au téléphone toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, il avait un coup de fil d'un mec qui appelait de je sais pas quel pays, qu'il était en train de parler de graphes, tu vois. Donc, mais déjà à l'époque, tu vois, très tôt. Donc, il a créé très tôt des connexions avec l'Europe. Ouais, il avait beaucoup du coup parce qu'il y a, on parle des FBI, bah, ceux qu'on connaît les plus proches donc du coup en France, mais il y avait quand même Loomit. Est-ce que j'en oublie un dans la collection avec Louis, c'est bien après, hein. Ah, c'est bien après, d'accord, ok. Parce que j'essaye de faire, je crois qu'on ne lui a pas posé la question, parce que c'est Thierry qui a géré l'interview et j'ai peut-être oublié de poser la question sur le fait de. Au tout début, pour moi, c'est Harim, Darko et ensuite Harim, Darko et moi. Ok. Il y avait un autre mec dans le groupe au tout début, je ne me souviens plus de son nom, qui restait très peu de temps. Après, il y a mon cousin qui est rentré dedans, qui s'appelait Croy. Ouais, crois, je me souviens, il y a quelques petits trucs sur des photos que j'ai retrouvées. Il faisait Parce quelques petits trucs. qu'il habitait dans le même immeuble que moi et c'était bon, on a grandi ensemble, c'était comme un frère, donc il est rentré dans le groupe. Mais lui, il était bon en beatbox, au niveau de beatbox. Il avait D'accord, ok. le niveau de chic en beatbox. Ah oui, donc pas mal, ouais. Pas mal du tout Plutôt même. pas mal. Mais en graphe, il était vraiment, vraiment pas bon. C'était pas son truc, ouais. Et Non, du un coup, peu pour comme moi au toi, début, du hein. ouais, d'accord. Et du coup, Loomit s'est greffé, donc du coup, les contacts, puisque quand même, à la base, Darko est allemand, quand même, à la toute base de l'histoire, même s'il parle plusieurs langues de façon native, Oui, depuis toujours. depuis toujours, t'as l'impression qu'il est né avec. Et donc, du coup, c'est ses liens, il va revenir du coup sur l'Allemagne, et il va avoir les liens avec Loomit et d'autres, les Epster, des mecs comme ça, j'imagine, parce que c'est des mecs qui vont bouger beaucoup tout de suite. Et du coup, lui, par exemple, il a son fameux voyage où il va voir Sean, il va rencontrer à New York Sean, entre autres, où ils vont faire ce mur de tennis avec Zepster, si je me trompe pas. Je crois que c'est Zepster, je suis pas sûr, mais Ouais, je sais qu'il a je me souviens. avec Sid. Mais je sais, je pourrais pas te dire en quelle année ça c'est arrivé. Toi, tu dois le savoir, Ouais, moi j'ai les photos, j'ai tout, je sais plus si j'en ai parlé, je confonds tout maintenant, mais c'est autour de 86, un truc comme ça, parce que le mur est quand même assez fameux, peut-être 87 même. oui, pour moi, c'est plus tard que ça. Ouais, plus tard, ouais, donc il faut que je revoie, parce que c'est vrai qu'il y a déjà une qualité de peinture assez élevée, mais je sais qu'il y a Zepster dans la boucle, qui est déjà lui, qui est partout finalement, les magazines, c'est lui qui a monté les fanzines, tout ça, donc je sais que Darko, il est déjà... international, et je pense même que quand nous on va voyager pas avant 90-91 au Jam, qu'on appelle les Jam à l'époque, soit Darko il est déjà toujours sur place, on part pas forcément avec lui, mais on le rejoint toujours, tu vois. Il nous introduit et tout, il est déjà sur tous les trucs. Il y a lui, Motu, en français entre guillemets, parce que Motu est anglais à la base, enfin de l'île Maurice, donc colonie anglaise quand même. Mais je crois que c'est à peu près les deux seuls représentants français qu'on voit toujours. Et nous, je pense qu'on le rencontre, Darko, avant qu'on puisse communiquer avec vous. Alors, ça doit être autour des années 90, mais avant, ça reste un peu mystère. Vous êtes dans votre truc, il y a un tel niveau aussi de différence en termes de peinture, vous avez tellement une avance que bon, bah, nous, on reste quand même les petits taggeurs de Marly-le-Roi, Saint-Nom. Et voilà, je te montrerai tout à l'heure des photos où vous êtes dans la grande courbe. Vous en avez fait un à côté de chez nous. Là, ça devenait la pression pour nous. Vous en avez fait un dans la grande courbe avant d'arriver à Marly. Entre Louveciennes et Marly, il y a une grande courbe. Et t'attaques le viaduc. Bah, dans cette grande courbe, vous avez fait un graphe sur un mur qu'absorbait affreux. J'ai réussi à faire un montage assez incroyable d'un truc que personne ne connaît quasiment, avec une grenade et tout ça. Je vais te le montrer tout à Oui, l'heure. je vois lequel c'est. Tu vois qu'elle sait. Et bon, Ouais. là, déjà, ça, voilà. Donc, on se dit, putain, nous aussi, il faut se manifester. C'est nous qui allons commencer à taguer derrière sous vos pièces avec des tags. Tu vois, Ah, des d'accord. pièces, finalement, ce que je retrouve, des haro, arrête, mais horrible. Et on tague autour de vos graphes pour être dans le truc, en fin de compte. Tu vois, c'est. Rigolo. Voilà. Après, c'est vraiment commun à ce milieu-là, hein, de toute façon. Mais Ouais. c'est vrai que. On a mis du temps à les peindre de ce côté-là, parce qu'on allait plutôt du côté de l'autre côté. Ouais, plutôt vers la Par défense et tout. Vaucresson, on remontait. Ouais, on a Ouais. commencé par la défense et puis au bout d'un moment, on est revenu du côté de chez nous, mais on allait plutôt du côté de la défense. Avec ce mur immense là qui est. Je ne sais pas si. Je pense qu'on était les premiers à le peindre celui-là. Ah ouais, vous êtes les premiers. Il y a un mec, on n'a jamais su d'où il venait, Le mec qui a avec fait le truc tout au bout avec une espèce de loup, je sais pas quoi, c'est ça? Tout au Alors, bout il y à avait gauche. celui-là, non, il y avait celui-là qui était plus mythique pour moi. C'était celui quand tu montais sur l'escalator, il était tout de suite à droite. Et tu avais un mec avec une espèce de bombe et un petit blouson bleu et tout. Il y avait une petite pression qui sortait de la bombe. Je vais te le montrer. Et ça, c'est Ok. super tôt. Et je me demande si c'est pas pour moi, c'est le premier de la défense. Mais bon, après, dans ce genre de truc, il y a toujours une bataille. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas longtemps après ou machin. Hein. Il y a rien. Très bien. Et après, ça va être Sino, globalement, avec son crew, mais surtout Sino qui va apparaître quasiment en même temps que nous. Il s'avérera que nous, quand on a vu nos archives, on peint les trains en 89, la première fois, dans le dépôt Ouais. de Marly. Donc ça doit Ouais. être assez tôt, à part vous, qu'on a peut-être fait, mais Darko, il n'a pas de souvenirs ou pas de photos, surtout. Ouais, de train peint, c'est vraiment, là, c'est le truc des FBI. Sur les trains bleus, je crois que j'en ai aucun. Carrément, pour te dire, j'ai Non, fait. non, non, moi j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait parce qu'on n'aimait pas ce truc. Il y avait une espèce de truc en ferraille en bas Ouais, c'était un peu qui chiant. faisait que c'était super moche, quoi. Donc, non, on n'a jamais fait. On n'a Bon, jamais bah fait. voilà, On a donc fait ça des va être. RER, on a fait tout comme ça, Ah, bah tiens, Zoom me jamais de prévient train. que dans 5 minutes, il veut nous Ça faire va payer. couper. Ouais, alors on va voir si on peut relancer juste après. On reste en contact. Du coup, bon, bah, ça c'est intéressant, vu qu'on était au lien à On développement. a commencé au tout et on s'est un peu perdu. On Oui, était comme au à tout. chaque fois. Alors moi, Ouais, j'aime bien ça. Donc, on revient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais partie des FBI. Vous êtes trois au début. Après, ça va s'agrandir avec quelques Allemands. Et vous êtes fait gauler, chose que personne ne nous avait dit pour la première aventure tout partout. début, ouais. Ah oui, au tout début. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ça a été un traumatisme. Et au tout début, et comme Harim, enfin, Zach s'est arrêté de. Moi, je l'appelle Zach Harim ou. Il a fini par s'appeler Gorky, donc j'ai plus tendance à l'appeler Harim, qui était son vrai prénom, je crois. Et il nous a lâchés assez vite. C'est-à-dire que chaque fois, on attendait qu'il vienne, et puis en fait, il venait pas. Donc c'était un peu l'Arlésienne, il devait venir, il venait pas. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'avec Darko, on a tout fait. Mon cousin était souvent là, Croy aussi, il était souvent là avec nous, mais il peignait pas trop, il nous aidait. Mais avec Darko, on a tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de graphes ensemble, en fait. Parce qu'aussi, on était vraiment potes, on faisait du karaté, donc on se voyait 2 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il continue à faire du karaté dans le même club depuis l'âge de 6 ans, il y va toujours. Donc, donc on avait ce truc qui nous unissait, qui faisait qu'au moins 2 fois par semaine, on était sûr de se voir. Et puis on passait notre temps, comme moi, j'allais voler des disques à la Fnac, du coup j'amenais des sons, et donc on découvrait les sons ensemble. Tu vois, on a découvert Public Enemy, moi j'ai volé le premier. 33 de Public Enemy sans savoir ce que c'était. Et je prends ce Énorme. truc-là, je l'écoute, et puis je sais pas quoi en penser, c'est tellement différent du reste. Je me dis, c'est quoi ce son? Donc j'appelle Darko, je lui dis, Darko, j'ai un truc là, je sais pas quoi en penser, quoi. Ça a l'air puissant, mais je sais pas. Donc on se réunissait pour écouter ensemble des sons, tout ce truc de découverte de ce mouvement, quoi, de naissance de ce mouvement, Ouais. c'était génial. Alors, Chris va nous compter un mur assez rare parce que certainement touillé très vite ou repassé. Mur des FBI sur Stalingrad, mur du fond. Explique-nous un peu la genèse de ce mur rare. Bon, c'est un peu loin, donc j'ai pas les, je me souviens pas de tous les détails. Parce que je me souviens que Darko avait négocié pour moi avec les CTK et Crime Time Kings. Il avait négocié avec eux qu'on ait ce mur qui est quand même le mur qui, enfin, tu pouvais pas peindre ce mur à l'époque sans en demander. Tu vois, c'était de toute Ouais. façon tous les murs de Stalingrad, il fallait les négocier avec les pionniers, avec les gens qui étaient là avant. Donc il fallait soit négocier avec les BBC, soit négocier avec. À l'époque, il y avait BBC, les BBC, il y avait Ouais, l'Oakies. c'est eux qui l'ont découvert, donc c'est ça, Ouais, H. voilà. Il y avait les CTK. Et du coup, ce grand mur-là, je ne sais pas comment Darko a réussi à négocier qu'on puisse le peindre en entier. Et comme il y a Lumid qui venait, Lumid venait en France, il y avait un autre Allemand dont j'ai oublié le nom qui était avec nous sur ce mur-là, qui était très bon. Je sais plus qui c'est. Ouais, est-ce qu'il est vraiment massif, hein, le mur à l'époque, c'est déjà des grosses pièces. Il y avait toi, Darko, est-ce qu'il y avait Gauthier? Non, je crois pas. Je Non, hein, crois pas. j'ai pas Pas dans mon réussi. souvenir. Non, il y avait Darko et moi, c'est sûr. Lumit, c'est sûr. Et il y avait un autre Allemand dont j'ai oublié le nom. Kemnos. Comment tu dis? Avait Kemnos. Ah non, je le connais pas lui. Parce qu'après, j'ai eu rencontré Capmando, moi, qui était un pote de Goki, qui est venu. Ouais, je le connais Avait pas lui, Kemnos d'accord. et il y avait aussi Croy, mon cousin. Ah d'accord, ok. Il a fait un petit croix tout en bas. Excellent. Et du coup, on a fait ce grand mur et négocié. Donc, normalement, tout devait bien se passer. Et en plus, tu sais, ce mur-là, tu le voyais en passant du RER, du métro, aérien, tu ne pouvais pas le rater. C'était vraiment un des murs les mieux exposés. On a passé la journée à peindre ce mur. Tout le monde nous a regardé sans broncher. Et il a été taillé, je crois. Dans l'heure, je pense, à peine on est parti, il a été taillé. Et dans mon souvenir, je ne vais pas créer de polémique, pour moi, il me semble que c'était Sign, je ne sais pas s'il n'est pas boxeur. D'accord. C'était des gens, pour moi, des CTK qu'il avait taillé, mais le soir même. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant, c'était un peu les taggeurs des CTK, je pense qu'ils n'étaient pas au courant qu'on avait le droit de le faire. Eh ouais, c'est possible ça. Et donc, du coup, ils ont massacré le graphe dans l'heure. Moi, le lendemain, je suis venu, j'ai vu ça. Et comme j'étais un peu jeune à l'époque, j'étais ado, je me suis dit, attends, les mecs, d'où ils peuvent faire ça? Donc, du coup, moi, j'ai été toyer des graphes des CTK qu'ils avaient fait avec John Wall sur le mur D'accord. juste à côté. La vengeance était immédiate. Oui, bah, vraiment un truc d'apprenti d'adolescent. Et il y a Loki qui arrive et qui me dit, mais pourquoi tu fais ça? Alors, je dis, ils nous ont taillé le graphe. Il me dit, mais pourquoi t'as tenu John Wan? Il m'a dit, John Wan, c'est le mec le plus gentil de la Terre, il n'a rien à voir avec ça. Je ne le connais pas, John Wan, moi, je m'en fous. Ils ont taillé notre graphe, j'ai taillé le leur, c'est tout. Il dit, John Wan, c'est un New Yorkais, il vient du Bronx, c'est tout. Je comprenais rien du tout. Et en fait, John Wan est arrivé. Il est arrivé, il a vu que j'avais taillé son graphe. On s'est retrouvé quand on était en train de faire. Le lendemain, on était venu parce qu'on faisait justement le graphe dont je te parlais tout à l'heure, qui était pour une chaîne de télé allemande. Donc, on faisait FBI et PG avec Lumit Ouais, je le connais et pas du tout Darko. celui-là. T'as une trace de ça aussi? Ah oui, j'aime ça, j'ai les photos pour le coup. Ah, génial. Et quand on faisait ça, du coup, bah, du coup John Wan arrive, John Wan voit que son graphe est taillé. Il demande qui a fait ça. Bon, je dis que c'est moi. Hein. Et on essaie, il parle anglais à l'époque, je parle. Pardon, je parle à peine anglais, donc j'arrive même pas à comprendre ce qu'il me dit. Donc je me retrouve avec Darko qui fait l'interprète entre Interprète. John Wan et moi pour essayer d'expliquer à l'un et à l'autre le conflit, pourquoi, d'où est devenu l'espèce d'intermédiaire entre les deux. Et du coup, moi j'ai essayé d'expliquer en français à John Wan que en fait on a tenu notre graphe et machin. Et puis Darko explique. Et au final, Darko négocie un truc où on lui donne les bombes. On lui donne une partie des bombes avec lesquelles on est en train de faire le graphe pour la chaîne allemande, là, pour Ouais. qu'il puisse cliner ce que j'ai fait sur son graphe. D'accord. Et c'est comme ça que l'affaire s'est soldée. Bon, c'est pas Voilà. mal, Mais c'est tout, pas mal. voilà, tout, ça finit un peu paisiblement, alors que ça partait un peu vite, un peu dans les taux. Mais voilà, ça s'est calmé comme ça. Et du coup, ce graphe n'avait plus que, je pense, quelques heures. Ah, c'est pour ça, C'est hein, parce pour qu'il y a ça tellement peu de que traces, c'est très c'est. difficile. On a mis une journée à le faire et il était taillé, je pense, dès qu'on est parti. Ouais. Moi, je l'ai découvert dans le livre de Darko, son petit livre là, et avec une qualité moindre, donc avec un angle très très loin, zoom, un focal trop loin, et jamais d'autre. Et du coup, je pense même qu'il est rarement interrogé là-dessus. Mais tu vois, ça fait quand même Lumit qui est là, toi qui es là, c'est quand même une grosse pièce pour l'époque comme ça. On sait que c'est un peu exceptionnel. Donc c'est pour ça, c'est Bah, vraiment. ouais, c'est la plus grosse pièce qu'on ait jamais fait au terrain vague, nous, en tout cas. Oui, L'FBI, on n'a oui. jamais fait plus gros que ça. C'était immense, quoi. Non, Il y mec avait... invité, de toute façon, il n'y en a pas. Après, il y a eu quelques pièces, mais là, il était vraiment gros. Celui-là, je connais bien le mur. Il était vraiment massif. Là, on est déjà dans des trucs. J'allais dire à l'allemande, tu vois, entre ces tickets, mais les Allemands aussi étaient capables de faire des murs comme ça. Il n'y en avait pas toujours qui faisaient des compositions, entre guillemets, aussi grosses. Donc, c'est pour ça, c'est top d'avoir les détails quand même. Tu te souviens bien quand même. Et Ah ben, je ça me va. souviens bien parce que c'était un conflit. Oui, il y Tu a te eu le conflit. retrouves adolescent en conflit avec un New-Yorkais du Bronx. Tu vois, Ouais. il y avait un truc un peu. Tu avais une espèce d'imagerie, c'est un New-Yorkais du Bronx. Pour toi, c'est des Ouais. mecs avec flingue, tu vois, tu crois que c'est un truc. Quelqu'un va mourir, tu vois. Et finalement, non, on s'est juste échangé quelques bombes et ça s'est bien passé. Where's On va reprendre quand vous commencez à peindre clairement sur la ligne. Donc pour moi, j'ai identifié ça à 86, mais on n'est plus à un an près. Mais vous, là, vous commencez à aller souvent sur la ligne Ouais. avec ce qu'on a vu. Et du coup, sans Goki, d'après ce que tu me dis, parce que déjà à l'époque, il vient plus, quoi. Et là, vous allez faire donc du coup. J'ai jamais peint avec lui de nuit sur la ligne. J'ai vu. Ouais, voilà. Donc soit il y avait une flip qui est possible. J'en sais rien. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'a pas finalement fait beaucoup à l'époque de graphes illégaux avec Non, nous, hein. hein. Non, non. Oh non, moi j'allais graffer essentiellement avec Darko et mon cousin Croy, qui était dans l'FBI et qui après est parti chez les Black Dragons Ouais, c'est ça, ouais. dans Exactement. une autre forme d'activisme. D'expression. Oui. On va appeler ça comme ça. Ouais, Est-ce que ouais. tu peux nous dire un peu les voies, parce que c'est le seul endroit, finalement, il y a des endroits qui peuvent être vus, et quand même, c'est le concept du graffiti, d'être vu par le plus grand nombre, l'envie d'aller sur les voies et sur combien d'années vous allez peindre, parce que du coup, quand on parle des FBI, c'est vachement la défense et tout ça. Comment ça se calcule? Vous calculez pas, ça se fait sur plusieurs années. Vous y allez toujours à deux, il n'y a personne qui surveille. Est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de tout ça, cette période? C'était assez varié parce qu'on avait plein de potes et des fois on y allait avec Darko, on y était tous les deux. Des fois j'y allais avec Croy, mon cousin, on y allait tous les deux. Des fois tous les trois. Et puis on avait des potes qui avaient des bagnoles donc ils pouvaient parfois nous emmener un peu plus. Typiquement pour aller à la Défense, c'était un peu compliqué vu qu'on était à Vaucresson, Garches pour aller à la Défense tard. Parce qu'il fallait partir. Moi, il fallait que je parte une fois que ma mère était partie au boulot, elle travaillait de nuit. Et comme je m'étais fait choper la première fois que j'avais graffé, je t'ai raconté cet épisode Ouais, il fallait un être peu très lourd. prudent. Voilà, ma mère pensait que j'avais arrêté le graffiti, que j'étais traumatisé, donc il fallait pas qu'elle sache. Donc du coup, j'attendais qu'elle parte bosser. Donc on prenait même pas le dernier train, on attendait vraiment tard. Et du coup, on avait des potes qui avaient des caisses et qui pouvaient nous déposer à la Défense et qui nous attendaient, qui restaient avec nous pendant qu'on Ah, c'est ça. grattait. Parce que nous, on avait beaucoup de galères pour revenir. On se mettait dans des trucs, le dernier train, puis on dormait des fois sur les voies et tout. On marchait. Enfin, nous, on a vraiment galéré. On était Ben apparemment moins organisés que vous. Vous oui. aviez Moi, il pas fallait le que je... retour qui était prévu. Ben ouais, il fallait que je rentre avant que ma mère revienne du boulot à 7 h du matin. Donc il fallait... Soit tu prenais le premier train... C'était pas idéal. Donc, en général, on revenait. Quand on allait jusqu'à la Défense, c'est qu'on y allait en caisse. Et quand on allait autour de chez nous, près de chez vous, là, à Louveciennes ou du côté de Garches, tout ça, un peu plus loin, là, on y allait à pied le long de la voie. Donc, des fois, et on revenait à pied. Ouais, c'est ça, oui. On revenait vers 3 h du matin à pied. Tu marchais pendant 1 heure le long des rails Exactement. de train. Donc, Ouais, on faisait les plutôt ça. tunnels étaient un peu flippants. Moi, j'ai un souvenir des tunnels qui étaient Oui. bien noirs et on a découvert qu'il y avait un éclairage, mais trop tard. Il y avait un bouton pour éclairer les tunnels. Non, ça je ne Si. savais pas. Et oui, il était bien caché et tu pouvais trouver le bouton. On l'a Genre, il y a trouvé. l'interrupteur, tu allumes le Ouais, tunnel, c'est pour ça. c'est ça. Ah ouais. Ouais. Pour les mecs qui travaillaient la nuit dedans ou quand il y avait les trucs, voilà, une lumière de service, on appelle ça. On ne l'a jamais trouvé. Voilà. On a traversé les Alors, je ne tunnels sais tous pas les s'ils y étaient partout, parce que je te dis, j'ai trouvé ça à la fin, mais c'était vraiment flippant, les tunnels. deux. Ah Je ouais. veux dire, un petit peu angoissant, Et entre guillemets, qui parce se que. presse à chaque fois de te dire qu'il y a peut-être un train de marchandises qui va passer. Et tu vois, et surtout comme tu n'as pas beaucoup d'espace entre les rails et le mur, tu dis que s'il y a un train qui passe un peu vite, tu peux être un peu aspiré avec Ouais. Il fallait se les mettre trucs. les petites bouches de sécurité, là. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir, parce que c'est quand même assez lointain, donc c'est pas évident, quand les gens qui nous écouteront avec plaisir ont toujours l'impression qu'on peut vivre ça comme au premier instant et qu'on se souvient de tout, ce qui n'est pas évident. Est-ce que tu as quand même des souvenirs sur des petites coursades, on appelle ça les coursades maintenant, donc les problématiques de rencontres de cheminots ou quoi? Est-ce que tu as des moments clés sur des murs en particulier, un truc qui te ressort où vraiment là c'était craignos où tout se passait relativement bien. Moi, j'en ai assez peu des souvenirs comme ça. On était très prudents. On faisait très attention. Et puis, finalement, il n'y avait pas grande chance de rencontrer des gens si tard. Tu vois, ça dépend où tu peins, tu vois. Mais si tu peins, si je me souviens, quand on a voulu peindre des RER, c'était à Saint-Germain-en-Laye, dans le hangar où il y avait tous les trains. On s'était fait couper par un mec qui était arrivé avec un chien. Et du coup, il avait fallu enjamber un grillage un peu haut. Oui, t'es Mais bon, balèze rien. cet entrepôt aussi. Ouais. Moi je l'ai fait beaucoup après vous, hein. Et il était enclavé pareil et tout, donc c'était pas évident à côté de la piscine. Et quand ils se sont mis à beaucoup le surveiller, c'était chaud. Ouais. Ouais. C'est surtout quand tu peins des trains, en fait, parce que on avait fait aussi les trains que je t'ai montrés tout à l'heure, là, quand on les a fait, on s'est fait courser aussi. Hein. Donc, on est passé, tu passes un peu, tu t'enfuis en passant sous le RER, ce qui n'est pas forcément hyper rassurant. Et puis quand tu es au pied d'un RER, c'est une espèce de géant, le truc est immense, quoi. Ouais, le truc est immense, ouais. Tu es sur le quai, tu ne te rends pas compte, mais quand tu es au sol, le truc est au-dessus de toi, c'est autre chose. Mais oui, chaque fois qu'on s'est fait courser, c'était quand on a fait des trains. On n'en a pas fait beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi, hein, il y a peut-être une cause à effet. Oui, c'est C'est peut-être lié. Ouais. peut-être trop de coursades. Non, je crois que ce qui nous emmerdait sur les trains, c'est le fait que ça restait pas. Que souvent, ils étaient nettoyés avant même de sortir. Ouais. Donc, il fallait que tu viennes très tôt le matin, enfin, que tu attendes le matin pour faire une belle photo. Et puis après, ton train, tu avais juste une photo, quoi. Le truc ne circulait pas. C'est pas New York où le train C'est ça. traverse toute la ville et du coup, tu es content d'avoir fait. Donc, ouais, je crois que c'était surtout parce que vu les risques que tu prends, que ce que l'on prenait, on avait envie que ça reste. Je crois que c'est essentiel pour ça. C'est pas l'histoire d'être coursé ou pas, c'était pas vraiment ça. D'accord, ok. Est-ce que sur la défense, qui est un peu le place to be, les FBI entre guillemets, en tout cas pour les gens qu'on kiffait le groupe et tous les gens qui sont passés par là parce que c'était un hub au niveau passager qui était juste monstrueux, le hub le plus important. Est-ce que là, du coup, puisqu'on sait que les quais ils étaient allumés la nuit et tout, il n'y a pas eu de tension, c'était un peu spécial de peindre aussi au sein des tunnels, la défense et tout, qui devait être quand même plus ou moins surveillé, je ne me rends pas compte à cette époque, mais c'était un peu Blade Runner quand même, c'était un peu angoissant comme ambiance là-bas. J'ai fait quelques trucs, hein, c'était un peu spécial. Bah, Toujours des c'était bruits et tout partout. ouais, c'était flippant au début. Enfin, la première fois qu'on a peint, on ne savait pas du tout si c'était possible. C'est-à-dire qu'il y avait ce graphe qu'on a regardé ensemble tout à l'heure, qui était tout au bout du quai à gauche. Je crois qu'il était déjà là, mais je ne suis même pas certain. Mais vraiment au bout du quai, celui qui a fait ça, il a pu le faire en étant un peu caché. Nous, on a décidé de faire un graphe au milieu du quai, là-haut. Du coup, tu avais toute la lumière, c'est éclairé comme en plein jour. Et on ne savait pas s'il y avait des caméras, on ne savait pas si quelqu'un n'allait pas arriver à tout moment. Donc c'est un des endroits les plus stressants. Parce que tu te dis, c'est pas possible que je puisse peindre là avec la lumière et que personne ne vienne. Mais en fait, jamais personne n'est venu. Chaque fois D'accord. qu'on est venu, on a toujours peint le plus vite possible pour ne pas se faire avoir et dans le stress, mais jamais personne n'est venu. Ouais. En règle générale, c'est des pièces où vous mettiez combien de temps quand tu faisais toi le perso, et éventuellement Gore, les lettres et tout, enfin Dans Dark. mon souvenir, jamais plus d'une heure. Ouais, d'accord. Dans mon souvenir. Et on reparlait là du Power to the Lord là qu'on avait fait sur le. Ah, super focus, je précise, Power to the Lord, plus Véranière, tout ça, en direction de Saint-Lazare, la pièce magistrale de la. On va voir une autre version avec Scale de ce graphe magistral. Je ne sais pas s'il est magistral, mais nous, on était très contents d'avoir réussi à faire. Je crois que c'est un des graphes qu'on a fait le plus vite. Je pense qu'on n'a même pas mis une demi-heure pour le faire. En faisant une espèce de rotation, il y en a qui faisait le contour, qui faisait le fond, qui remplissait, on tournait comme ça très très vite. On était tellement habitués à parler ensemble qu'on ne se parlait même plus. Donc on ne se parlait pas et on a fait ce truc. Ouais, je pense qu'on a dû le faire en moins d'une demi-heure. Je pense. Il faudra demander. On voit toute la technique FBI dans ce graphe. Et Darko, j'ai vu plus tard qui peignait quand j'ai peint avec lui la dernière pièce que j'ai fait vers 94-95. J'ai vu qu'il prenait son repère avec sa boucle de ceinture. C'est-à-dire que pour que toutes les lettres soient alignées, il avait des repères. Alors, je ne sais pas s'il l'a développé après ou pas, mais je l'ai Il a vu. développé après. Il a Ouais. développé après. Parce que tout Avant. était toujours aligné. Mais c'était Ouais. un monstre de précision. Là, pour le coup, c'était Peut-être une brute, avec quoi. l'âge. Peut-être avec l'âge, il a vieilli, il n'arrive plus à le faire. Ouais. Ah, là, il était encore plus long. Là, le truc, c'était le. Je l'ai dans mon studio. Là, quand je me tourne, je l'ai. C'est le Wall Style Chaos Barbarian. Il doit faire 40 mètres de long. Ah Donc oui, là, pour que ce d'accord. soit aligné, il avait ses repères. Et franchement, ça Oui, il a marche changé. trop bien. Et sur le Power to Dallord, qui est moins long, tu vois quand même cette rigueur FBI, quoi. Mais là, il n'y avait aucun repère. En plus, il faisait nuit, on ne voyait pas grand-chose et on l'a fait vraiment à l'instinct. Et oui, Préparation des bombes, quand même, vous avez dit c'est notre gamme de couleurs. Toi, tu savais que tu allais faire un chrome. Tout le monde ça est un petit peu, avant. hein, quand Ça c'était même, là-dessus, avant. on est Oui. d'accord. Alors, je savais que je ferais la tête de perso à droite, là, et que Ouais. je ferais le FBI. J'avais un petit, j'avais fait un lettrage et le Power to the Lord, c'était le lettrage de Darko. Et on s'était dit, oui, qu'on fera un chrome assez simple et qu'on jouerait sur le, justement, sur le. On était vite aussi parce qu'on a utilisé le plan dur, c'est-à-dire qu'on Oui, n'a pas bien tout. sûr. Ça Ouais, nous a permis de faire un truc hyper propre sans. c'était astucieux. C'était Apparemment, tu super me dis qu'il est astucieux. resté 20 ans, je ne savais même pas qu'il était Ah resté ouais, 20 ans. grâce à Écrase, auteur du Paris Saint-Lazare, le livre mortel sur la ligne, c'est lui qui m'avait dit il y a quelque temps que ce graphe a été repassé, mais genre 20 ans après, quoi. Et donc il y a dû y avoir un respect, il y a eu quelque chose. Tu sais même pas si les mecs de l'usine, ils ne se sont pas dit c'est mortel, tu vois. Tu sais pas quoi. Personne n'y a touché. C'est quand même Et comme génial. c'était propre, ça faisait presque, on aurait dit presque un graphe de commande, tu vois, le truc était tout Ouais, c'est droit. ça. On pouvait Exactement. penser que ça avait été Est-ce qu'il y a un demandé. sketch de ça que Darko aurait oublié de nous donner, ou c'était quand même des lettres improvisées? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il y a un sketch. Il y a un sketch. Non, il a fini. Il y a un sketch des lettres. Ouais. Bon, ça, Ouais. il nous le vendra à la retraite, une Vous le certaine vendrez. somme. Et oui, il y a un sketch. C'est moi qui l'ai Ok. perdu. Mais... Ok. Bon, bah, j'ai vu À d'autres. moins que j'ai oublié qu'il l'ait fait à l'arrache, mais c'était très très rare qu'on fasse ça. Il y avait quasiment systématiquement un sketch pour. D'accord. Ah, ça, c'est bien aussi. Donc, du coup, tu confirmes sketch assez classique, sketch perso. Toi, on va explorer ton book après. Je vais avoir la chance de voir ton book. Quasiment, il y avait toujours du dessin, comme vous dessiniez, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais vraiment, il y a eu des périodes énormément de dessin. C'était automatique. Sketch, croquis, machin, boum, graphe. Oui. Pas de graphe improvisé, quasiment. Assez peu, hein. Assez Assez peu. peu, Peut-être que d'accord. Darko en a fait quelques-uns. Moi, je pense pas en avoir fait. On a toujours dessiné. On passait notre temps à dessiner. Moi, je dessinais pas avant de faire du graphe. À partir du moment où j'ai commencé à faire du graphe, je dessinais toute la journée, Ouais. pendant les cours, tout le temps pour Alors progresser. justement, tes inspirations, toi, pour en arriver là, on a vu tes origines, Darko t'a mis clairement dans le truc, le film, tout ça. Et après, qui va t'inspirer, qui va t'influencer? Moi, j'ai des questions très personnelles. Par exemple, tes fonds. Tout à l'heure, on a vu en regardant un petit peu quand même du bandeau qui s'était clairement inspiré de Futura. Il pourrait y avoir du Futura. Ma Oui, bien. question, hein, tu vois, ma question, est-ce que tu avais un aérographe assez rapidement à la maison? Parce qu'on voit la maîtrise des couleurs étalées, on voit un espèce de style que j'appelle aérographe, et tu le développes assez rapidement. Est-ce que tu as eu ça à la maison ou pas? Oui. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Je ne l'ai pas eu tout de suite parce que c'était très cher au début. L'aérographe, ça coûtait 1200 francs, je crois, en Ouais, France. entre le compresseur, le pistolet, le machin, les encres, ouais, c'était coûteux. Ça coûtait plus de 1000 francs, ce qui était une somme énorme. Et du coup, j'en ai pas eu tout de suite. Mais comme quand on a commencé à gagner un peu d'argent en faisant des graphes, j'ai pu m'en acheter. Et en fait, le fait d'avoir un aérographe m'a fait progresser énormément. C'est comme je te disais, c'était difficile de trouver des endroits pour progresser à la bombe. Étant dans le 92 et pas dans une zone industrielle, il n'y avait pas de mur, très peu de mur. Donc, on ne peignait que le soir. des graphites d'ego qui ne faisaient pas progresser énormément techniquement, parce que tu n'as pas le temps de progresser artistiquement, je dirais plutôt. Et donc, du coup, difficile de tester des choses, d'expérimenter, de perfectionner un mouvement, tout ça. Tu peux pas le faire le soir. Le soir, il faut aller plus vite possible et tu vois même pas ce que tu fais. Donc, déjà, tu maîtrises ce que tu veux faire. Et du coup, l'aérographe, ça m'a permis, oui, de travailler un peu chez moi. Ce qui m'a fait après faire de la peinture un peu plus classique. J'ai fait des D'accord. trucs un peu futuristes après à l'aéro. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à progresser. D'accord. Et tes influences en règle générale, qu'elles soient par exemple les personnages, puisque tu es très reconnu pour tes persos, Ben, même si Gore en faisait quelques-uns, mais enfin ouais, très Darko, différent. excuse-moi. Oui, Darko, il y a des personnages très, très, un peu comme ses lettres. On aurait dit presque des lettres très, très géométriques. Moi, j'ai mes personnages, c'est peut-être la BD. La première claque que j'ai prise, clairement, c'est quand j'ai vu les personnages de Motu, je me suis dit, waouh, un mec qui est capable de faire ça avec une bombe. J'avais envie de faire ça. Mais moi, mon inspiration, c'était clairement les BD fantastiques. Et à l'époque, j'avais même pas, c'était même pas Metal Hurlant, c'était les ersatz de Metal Hurlant. Il y avait un truc qui s'appelait Air Comprimé. Ouais. C'était déjà les humanoïdes associés, tout le groupe de jeunes qui Ouais, dessinaient et tout. c'était ce truc-là, c'était des enfants de Metal Hurlant. En fait, tu avais des regroupements de BD, de mecs qui faisaient la BD, qui faisaient des histoires courtes. Et donc, tu avais tout le monde, quoi, dedans. Tu avais Moebius, tu avais. Et celui qui m'a beaucoup inspiré, je dois dire, et j'avais une BD de lui en allemand, je ne sais pas où je l'ai trouvé, c'était un mec qui s'appelait Alfonso Aspiri, qui est un Italien, je crois, et qui faisait des persos que je trouvais très très beaux. Il y avait toujours une espèce de. C'est très dynamique, il y a toujours des cheveux dans le vent, des yeux très affûtés, des D'accord. mouvements toujours extrêmement dynamiques Du coup, je crois que c'est la plus grosse source d'inspiration, c'est lui, Alfonso Aspiri. Donc, j'aimais beaucoup le style. Ah, génial, Et du coup, d'accord. voilà. Les Et je trouve Strange, tout ça, c'est les Marvel, tout ça, pas plus que ça. Si, si, si. Bah, les Marvel, en fait, j'ai eu des Marvel, mais graphiquement, c'était pas vraiment. C'est pas ça qui m'a inspiré. Oui, voilà, c'est ça. Après, j'ai grandi avec ça, en plus, bon, ça coûtait cher et tout. Donc, moi, je récupérais les Marvel que ma mère a récupérés d'une collègue qui lui filait ceux que son fils n'avait pas lus. Donc, en fait, j'avais le 1, le 12, le Ouais, 24. d'accord, ok, c'était à J'avais l'occasion. pu suivre les histoires dites de Spider-Man. Je connaissais le début, le milieu, j'ai jamais pu suivre. Mais quand même, cette imagerie-là, mais qui n'est pas trop. Peut-être que ça m'a inspiré un peu quand même, je me rends Ouais, peut-être pas moi je le vois pas ressortir hein, dans ce que tu as fait. On parle des périodes assez quand même très définies. Moi, je ressens plus les trucs dont tu as parlé, un petit peu plus science-fiction, plus entre métallurgique, guillemets. bah oui, la Ouais, SF. même si Marvel, on peut associer ça à de la science-fiction, mais quand même qui est vachement BD, toi, c'était un peu plus, c'était quand même un petit peu différent sur le côté pas barré, je dirais, mais il y avait un truc un peu space. Oui, ils avaient c'était une espèce de monstre avec des crânes ouverts. Voilà, beaucoup de monstres, voilà. Beaucoup de Donc, monstres. oui, c'est très. Je crois que c'est très Metal Hurlant pour le coup. Ouais. C'est aussi dans le livre, on en fera une petite dédicace à l'affiche que j'ai gardée quand j'étais gamin. J'avais réussi à avoir l'affiche du film que j'avais Oui. demandé à un projectionniste qui me l'avait donnée et tout en sortie de film, enfin, truc de dingue. Et celle de Creepshow aussi, Ouais. voilà, Metal Hurlant, qui moi est j'ai assez. vu l'affiche pendant des années, j'ai vu le film 20 ans après. Ah J'avais oui, j'ai réussi à le l'avoir. mystique. C'était bien, bien barré. Alors, on s'est fait ça. Un autre truc important avant de parler de l'évolution. L'autre question que je me posais, non, non, non, on a répondu. Le coup de l'aérographe, c'était clair que tu en as eu un. Oui. Et sur les fonds, tu me demandais quelle était l'inspiration pour les fonds. Oui. Oui, enfin. Futura indirectement, parce que j'ai l'impression que ce que faisait Bando était déjà un peu inspiré de ce que faisait Futura, dans ces espèces de fonds un peu abstraits, presque aéro déjà. Et du coup, ouais, je me suis inspiré de ça. Je me suis inspiré de pas mal de Bando, je dirais. D'accord. Ouais, pour le coup. Et après, quand on a commencé à peindre pas mal avec les Allemands, enfin de Munich, avec Lomit, tout ça. Il faisait des choses plus géométriques avec des traits, enfin, tout ne remplissait pas vraiment. Et il avait trouvé quelque chose, hein, que je trouvais intéressant. Et ma manière de faire les fonds a un peu évolué vers un truc un peu plus géométrique que ce que je faisais avant. Un peu moins aéro, je dirais. Mais voilà, en Et gros. du Et puis, coup, tu disparais entre guillemets, on parle toujours de la early session, donc on parle des années à 80, puisque 90, ouais, si on est encore sur le quai, il y a encore des trucs. À partir de quand tu freines vraiment et du coup tu pars sur autre chose où on voit que scale ne peint plus, hein, clairement. Alors c'est difficile à définir, mais il y a un moment donné où Darko va continuer, même si c'est sous une autre forme et que tu vois plus vraiment les trucs sur les quais et tout ça, ça dit. Je pense que ça diminue autour de 93, un truc comme ça. Mais pour toi, j'ai l'impression que c'est presque plus tôt. Peut-être 92, 93, non? écoute, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, l'aéro, comme j'avais un aéro chez moi, je commençais à faire des toiles. Je faisais des mélanges avec de la peinture, de la bombe, des toiles, et je faisais des trucs un peu futuristes avec des femmes futuristes, machin. J'ai un peu pensé à ce que fait Di Macho, un peintre de l'époque. Un peu giga, un peu bigger, un peu par là, quoi. Et en fait, j'ai fait de plus en plus de ça, et de moins en moins de graphes. Et j'ai commencé à faire quelques expos, et puis après, j'ai rapidement eu un ordinateur. Ah, l'ordinateur. Et quand j'ai commencé à faire de la 3D sur l'ordinateur, le monde que ça a ouvert pour moi était tellement immense que du coup, j'ai perdu l'intérêt pour le graphe. C'est que d'un seul coup, pouvoir créer des formes, des personnages, des animés, tout ça était tellement raconter des histoires avec, tout ça m'a fasciné et du coup j'ai arrêté le graphe. Et en On est. plus, Oui. c'est pour ça, je pense que on est vers 92, 91 par là. Oui, c'est Et ce en que je plus, pensais. voilà, je suis parti à l'armée, j'étais appelé à partir à l'armée en 80, ouais, je crois que c'est par là aussi. Donc j'avais plus vraiment le temps. J'ai commencé à rentrer à faire de la 3D. Et hop, il a fallu que j'aille à l'armée, ce qui était un peu un cauchemar, mais comme je faisais du karaté, j'étais en équipe de France, du coup j'ai pu faire l'armée en faisant le bataillon de Joinville, donc j'ai fait que du sport. Et puis, mais j'avais qu'une hâte, c'était de sortir et puis de travailler dans l'image, quoi. Mais numérique. Donc en sortant de l'armée, je suis rentré j'ai postulé j'ai vu qu'il y avait une boîte en France qui recrutait des gars pour faire un jeu vidéo. Il s'appelait Art of Darkness, et qui est un jeu vidéo qui a été conçu par Eric Chahi, qui est un peu la star du jeu vidéo en France Ah à oui, l'époque. c'est clair. Et je savais pas trop, hein, mais en fait j'avais envie de faire des images fantastiques, tout ça, et je voyais pas trop où ça pouvait se faire à part dans le jeu vidéo. Et donc du coup, il y avait un concours d'entrée. J'ai réussi ce concours et du coup j'ai commencé à bosser dans le jeu vidéo à cette époque-là. Donc en Ouais. 93, 94, pardon, j'ai dû, ouais, 93. Pardon. Et Ah oui, du coup, j'ai d'accord. bossé dans le jeu vidéo pendant 2 ans et demi. Et à la suite de ce jeu vidéo, en fait, ce qu'on a fait a été montré, on a montré ça à l'E3, à Los Angeles. Et ça a été un succès de dingue. Et Spielberg est venu, et George Lucas est venu, Katzenberg, le poste de Disney. Ah Tout ouais, le monde est énorme. Ouais, venu. Tout le monde énorme. est venu nous encenser. Et pour la petite histoire, en fait, Spielberg, je venais sur le stand, donc on était sur le stand, et comme j'étais un peu un geek à l'époque, moi je jouais à Virtua Fighter, qui était un jeu de baston en 3D. Et en fait, moi je jouais à la... Il y avait des bornes d'arcade gratuites à l'E3. Normalement, c'est tu payais 5 balles ta partie. Donc, du coup, moi je jouais non-stop à Virtua Fighter au lieu de rester sur le stand. Et on est venu me dire, il y a Spielberg qui va passer. Alors, je dis, ah bon, hein, il dans combien de temps? Il dit, bah, il passe dans une demi-heure. Je dis, ok, mais je finis ma partie. Je continue à jouer. On vient me dire, il passe dans un quart d'heure. Oh, j'arrive, j'arrive. Et finalement, on est venu voir après. On m'a dit, Spielberg est passé. Il a félicité toute l'équipe, t'étais pas là. Donc voilà, j'ai raté Spielberg parce que je jouais à Virtua Fighter sur une borne d'arcade comme un Comme un abruti. ouf. Ah Voilà, oui. comme un abruti. Bref, Ah, pour la petite énorme. anecdote. Belle petite anecdote. Bah, en tout cas, je me souviens bien du jeu et de l'équipe, et c'est vrai que ça avait ramené quelque chose au niveau de la direction artistique. C'était pas la première fois, mais quasiment les premières fois qu'il y avait cette touch qu'on retrouve maintenant dans les jeux indés, parce que je suis ça énormément, moi, tous les jours, comme un ouf depuis toujours. Et il y a toujours, en France, il y a un regain sur les jeux indés avec, alors le gameplay, moi, je trouve que ça, c'est pas top, mais par contre, la DA, les Français, il y a un vrai truc qui s'est créé, qui a été développé. Et Eric, toute l'équipe, moi, j'étais chez Titus à l'époque, qui était une autre boîte assez avant-gardiste. Ah oui, je suis Avec les frères Caen, où Eric et j'ai oublié son voilà, ils m'avaient embauché. Et il y avait ce savoir-faire français. Mais je me souviens que ce jeu, Top Darkness, c'était. Waouh, c'était. Ouais, il y avait quelque chose de visuel qui était. Enfin, ouais, il y a une espèce de magie qui avait du mal à opérer encore sur d'autres jeux. Ça a cassé un truc, tu vois. Et ouais. c'était dingue. On avait fait une scène cinématique, une scène qui introduisait le jeu en 3D, full 3D. Et en fait, normalement, on avait fait ça pour faire, on avait fait un animatique 3D et on pensait que ça servirait de base à des mecs qui le feraient en anime traditionnel. Et en fait, quand on a vu la qualité de ce qu'on a sorti en 3D, on s'est dit, ben, pourquoi on passe pas en 3D en fait? On s'est dit, ah ben ouais. Donc on a peaufiné un peu ce qu'on avait fait et c'est ça qu'on a montré à l'E3. Ah ouais. Et en fait, à l'époque, Toy Story n'est pas sorti. Il n'y a pas un seul film full 3D qui existe. Donc les mecs, quand ils viennent nous voir à cette époque, ils comprennent même pas comment on a pu faire ça. Ah, D'autant plus énorme. que eux, Ouais. à l'époque, bossaient sur des Silicon Graphics qui sont des machines qui coûtaient à l'époque 1 million de francs. Et nous, on bossait sur des PC merdiques qui servaient à faire du traitement de texte en théorie. Tu vois, c'est des trucs qui tournaient à 44 MHz. Tu vois. Donc c'était des machines qui sont pas faites pour ça. Ils comprenaient pas comment on pouvait faire ces images-là. C'est pour ça que bon, j'ai raté Spielberg, mais à la suite de ça, il a convoqué l'équipe, surtout Eric, l'équipe dirigeante, à Universal. Et bon, nous avons fait un tour à Universal et il a reçu Eric pour lui demander de travailler avec lui. Donc il a dit, Spielberg a dit, je veux travailler avec vous sur n'importe quoi, un jeu vidéo, un film, ce que vous voulez, tout ce que je veux, c'est pas être la cinquième roue du carrosse. Spielberg a dit ça à Eric. C'est énorme. Et Eric, à l'époque, lui dit, ce qu'on fait, nous, c'est inspirer ce que vous faites, vous. Vous êtes notre maître. On ne ferait pas ce qu'on fait si vous n'aviez pas été là. Donc, il dit, j'adore ce que vous faites, on adore tout ce que vous faites, mais moi, je veux finir mon jeu avant tout. Et on verra après. Donc, ce jour-là, Eric Chahi a dit non à Spielberg. Et après ça, quand Eric est sorti avec une tête dépitée, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte ça. Je lui dis, pourquoi t'as pas dit oui? Il me dit, mais tu t'imagines bosser avec 50 mecs dans un studio américain et tout. Ouais, moi je m'imaginais bien en fait. Et du coup, ben, à la sortie de ça, moi je finis ma partie graphique sur ce jeu quelques mois après et je monte un projet perso qui s'appellera Kaina, la prophétie, qui est un Ah bah, film. je me souviens, c'était pas un film d'animation? Si, si, si, c'est un film Ah bah ouais, d'animation. mais c'était mortel, ça c'est toi qui étais là-dessus. C'est Ben, ton c'est mon projet. projet. Oh oui, Ah j'ai monté ce putain, mais ouais, projet. je l'avais dans mes disques durs que mon chat a appuyé sur le truc, a niqué 2 téra de trucs super rares, et il était dedans. Je me souviens bien de ça. Donc, c'est comme ça que moi j'ai décidé de me lancer là-dedans. C'est-à-dire, comme j'avais vécu cette aventure de dingue qui nous amenait à Spielberg, je me suis dit, ben, je vais essayer de revivre la même chose. Je vais créer mon propre projet. J'ai monté ça à l'époque avec un ami qui s'appelait Patrick Daher et on a commencé ce truc. Et c'est devenu voilà un film d'animation 3D qui devait être un jeu vidéo aussi. Donc il y a eu un jeu qui est sorti mais qui était une espèce de produit dérivé. Mais on a fait ce film qui était le premier film d'animation 3D français qui est sorti en 2002. Donc, voilà. C'est Ouais. comme ça que je suis devenu réalisateur et que je fais ça depuis. Énorme. Un beau, beau projet. C'est dans ce livre aussi qu'on indique ce genre de parcours en partant des fois de pas grand-chose et dans la contrainte qu'on peut faire des bonnes choses. Peut-être que si Spielberg, c'est aussi une chance des fois d'avoir des moyens monstrueux. Des fois, ça peut tuer un peu la créativité. Je l'ai souvent vu. Et c'est marrant les conseils que j'ai vus d'un réalisateur dont je ne peux pas nommer le nom là. M'avait dit, c'est quoi? C'est dans les contraintes qu'on fait les meilleures choses. Ça sert à rien d'avoir tous les outils, tous les trucs. Avec rien, déjà, tu fais quelque chose. Et à partir de là, on peut te donner des outils. Et c'est peut-être C'est pour ça. ça qu'Eric, il a voulu le finir comme ça, en se disant, on est bien, on est dans notre truc, on maîtrise, et on va aller au bout, Bon, bah, je crois qu'il a rien fait avec lui derrière, parce que j'ai pas de souvenir qu'il ait fait un truc avec Spielberg. Non. Non, mais Katzenberg est revenu l'année d'après pour refaire la proposition. Il a redit non. Il a redit il faut que je termine mon jeu. Comme que le jeu est sorti beaucoup plus tard que ce qui était prévu, pour des. Bah, finalement. Ouais, il est sorti 2 ans plus tard que ce qui était prévu. Donc c'est pour ça que Spielberg n'est pas revenu 12 fois non plus. Et entre-temps, entre-temps, il a fait Fourmise, donc il avait monté son studio Bellwin. Ouais, il y avait tout ça. Et voilà. Toy Story était sorti. Ouais, ouais, c'était parti. Ils avaient le process. Ouais. Bon, en tout cas, c'est assez incroyable. En plus, ils vont nous couper là, Zoom. Ils vont nous couper. C'est possible, même la lumière s'éteint, t'as vu. Tout machin. Bah, écoute, en même temps, on a vraiment une grosse partie. Comme on n'est pas en direct, de toute façon, moi, je vais me réécouter ça. Et s'il y a des petits trucs, bah, on se referait des petits ajouts. Mais je pense que, à part si toi, tu avais d'autres choses que tu avais envie de développer, que j'aurais oublié de te parler, qui te paraissent importantes. Non, mais